c'est les vacances. Je suis chaud, pour mon Dieu, je suis chaud. Grâce au soleil, je suis chaud. Mali, Mali, c'est notre show. Une boîte, plus on s'est dit, Kenson, Beatle et MD. Allez, allez, débarquer pour faire danser cet été. Peu importe où tu es, ce morceau est pour toi. Laisse-toi aller, bouge ta tête et claque tes doigts. Porque hace calor, hace calor. Je sais que t'es d'accord, ne me contredis pas. Alors mets-toi bien, car m'a dit, partage. Peu importe ta couleur de peau, les convictions et les âges. Le smile sur ton visage, je le vois apparaître. Les nuages, eux, je les vois disparaître. On t'offre notre bonne humeur, tiens ça, c'est cadeau. On t'en fait part, on ne le garde pas cadeau. On t'offre notre bonne humeur, tiens ça, mais c'est cadeau. On t'en fait part, on ne le garde pas cadeau. Maybe caliente, caliente, caliente. J'aime cette période de l'année où les filles sont basanées. Les mecs zone traînent et les tontons sont en training. Tout le monde a le sourire, les petits sont en train de courir. Les fruits ont fini de mûrir et moi j'ai l'air ahuri. Pourquoi? Parce que la chaleur m'étouffe. Le fait de monter les étages de chez moi m'essouffle. Mais on ne va pas se plaindre, la chaleur est au rendez-vous. Le vent est doux et l'herbe est fraîche, alors détendez-vous. Profitons de ces températures hot, hot. Avant que le soleil nous boycotte, cut. Direction la côte, on va toucher la mer où la chaleur est la plus haute, pas de sentiments amers, mais bien le contraire, on est là pour délirer. Écoutez Marie, toute la journée n'est pas douloureux. C'est caliente, le son de cet été. Il faut te le répéter, sache qu'il est fait pour fêter. Le passeport pour la joie. J'ai dit quoi? Caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Caliente, caliente, caliente, caliente.